franceinter.fr. Et tout de suite, nous avons rendez-vous avec Monsieur X. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Il a accompli l'un des gestes les plus extraordinaires de la Seconde Guerre mondiale. En 1940, cet officier polonais s'est fait arrêter par la police nazie afin d'être enfermé à Auschwitz. Pour non seulement témoigner, mais aussi organiser la résistance à l'intérieur de ce camp de concentration qui va bientôt devenir un camp d'extermination. Witold Pilecki a donc pris des risques inouïs, soumis à la violence quotidienne de gardiens sadiques, atteint du typhus, vivant sous la menace permanente d'être démasqué, l'officier a néanmoins réussi à créer son réseau de résistance et de solidarité avec un espoir fou, fomenter une insurrection au cas où une intervention extérieure le permettrait. Soit une attaque du camp par la résistance polonaise, soit un bombardement par l'aviation alliée. Mais malgré ses appels au secours incessants, malgré les rapports qu'il a pu faire passer à l'extérieur et qui ont rendu précisément compte des horreurs qui se perpétraient à Auschwitz, rien n'est jamais venu. Aussi, à la mi-43, sur le point d'être découvert, Pilecki a-t-il décidé de tenter une évasion ? Monsieur X poursuit le récit de la vie de cet authentique héros que la grande histoire a pourtant méconnu. C'est en avril 1943 que l'officier de l'armée secrète polonaise, Witold Pilecki, va essayer de s'évader du camp d'Auschwitz. Oui, parce qu'il se rend compte qu'il est allé au bout de ce qu'il pouvait faire. Et qu'il n'a pas réussi à convaincre le gouvernement polonais en exil et l'AK, l'armée secrète, dont il est pourtant un membre éminent, de tout tenter pour briser la machine de mort qui est à l'œuvre à Auschwitz. Mais ce qu'il ne peut pas savoir, puisqu'il est enfermé, c'est qu'à l'extérieur, les nombreux rapports qu'il a transmis au prix de 1000 difficultés ont été jugés très exagéré. On n'a pas cru son témoignage. Ou on n'a pas voulu le croire. Ah, ouais. Peut-on voir là une manifestation inavouée d'antisémitisme, puisqu'à partir de la mi-1942, ce sont essentiellement les Juifs qui vont être victimes de leur barbarie nazie. Bon, la question est délicate, mais on ne peut pas passer sous silence l'antisémitisme latent d'une partie de la société polonaise. Ouais. Dans son film, Shoah Lanzmann a même parlé de complicité de la population polonaise dans la mise en place de l'Holocauste. Je sais, il faudrait aussi évoquer la passivité du Vatican et des alliés. Même si l'Église polonaise est mue par le drame des Juifs, est parfois ponctuellement intervenu et a sauvé quelques milliers d'entre eux. Donc, ne généralisons pas. Il faut aussi observer qu'au moment où Pilecki décide de s'évader, les survivants du ghetto de Varsovie vont se soulever et mener une lutte héroïque et désespérée contre les nazis, avec des armes qui leur ont été fournies par l'armée secrète polonaise. Vous ne pouvez quand même pas nier l'existence de l'antisémitisme des Polonais. Bien sûr que non. Mais il en allait de même dans toute l'Europe de l'Est, en Biélorussie, en Ukraine et aussi en Russie, où Staline n'a guère épargné les Juifs. Alors, si vous le voulez bien, revenons à l'histoire de Pilecki. D'accord. Alors, comment envisage-t-il son évasion ? Il a une idée. Le fournil du camp se trouve à 2 kilomètres. De l'autre côté de la clôture électrifiée du camp. Donc. Avec l'aide de ses camarades du réseau de résistance, qui, je vous l'ai dit la semaine passée, ont réussi à s'introduire dans la machine bureaucratique du camp, Pilecki essaie de se faire engager à la boulangerie. C'est difficile. Enfin, je vous passe les détails, mais il parvient quand même à rejoindre l'équipe de nuit qui cuit le pain. Mais j'imagine que ces prisonniers sont surveillés, même s'ils travaillent à l'extérieur. Évidemment. Pendant, et là encore, on a une idée de l'efficacité de l'organisation que Pilecki a mise en place, même si les SS lui ont porté des coups très durs. Un forgeron du camp a pu confectionner un double de la clé du fournil. Le plan est donc le suivant. Pilecki et deux prisonniers de l'équipe de nuit vont se laisser enfermer une fois leur travail terminé. Ouais, et quand les gardiens seront partis, ils pourront sortir grâce à cette clé miraculeuse. C'est ça. Mais auparavant, ils prennent la précaution de couper les câbles téléphoniques. Ouais, prudent, oui. Et une fois à l'extérieur hein... Ils suivent la voie ferrée et parviennent à traverser la Vistule sur une barque abandonnée sur la rive. Et ensuite ? Les trois hommes sont hébergés et nourris par un curé de village. Celui-ci leur trouve un guide qui les conduit à la frontière du territoire contrôlé par le gouvernement général allemand. Ouais, tandis que Auschwitz est situé dans une zone purement et simplement annexée par le Reich. Hein, mais avant de franchir cette frontière, les fugitifs font une rencontre malencontreuse. Un soldat allemand. Et comment s'en sortent-ils ? Ils réussissent à fuir, atteignent un village où une famille vient à leur secours. Et ils sont sauvés. Oui, mais ils ont eu chaud. Enfin, début juin, ils arrivent à Novi Vinnytsia, une ville où ils contactent le commandant local de l'AK, c'est-à-dire l'armée secrète. Et là, surprise, cet officier s'avère être celui dont Pilecki a emprunté l'identité pour se faire enfermer à Auschwitz, Thomas Serafinski. Enfin, peu importe, ce qui compte pour Pilecki, c'est d'entrer en relation le plus vite possible avec le commandement général de l'AK. Parce qu'il veut savoir si sa proposition d'attaquer le camp d'Auschwitz pour libérer les détenus a été retenue et étudiée. Et disons-le tout de suite, il va connaître une grande désillusion. Oui, parce qu'on ne l'a pas entendu. Il apprend d'abord qu'au niveau local, à Cracovie, sa demande n'a pas été jugée crédible. Alors, il veut savoir ce qu'en pense l'échelon supérieur, ou QG de l'armée secrète installée à Varsovie. Résultat ? On l'informe que pour le moment, aucun plan militaire n'est prévu en vue de soutenir une révolte des détenus d'Auschwitz. Maigre consolation, on lui fait dire qu'une décoration l'attend à Varsovie pour récompenser toute son action à Auschwitz. À la décharge des dirigeants de l'armée secrète, il faut dire que le supérieur de Pilecki, le chef de l'AK, le général Rovetsky, vient d'être arrêté par la Gestapo et il a été conduit directement à Berlin. L'organisation clandestine est donc provisoirement décapitée. Pour sa part, Pilecki arrive fin août 1943 à Varsovie. Et il prend contact avec le QG de l'armée secrète. C'est à ce moment-là qu'il découvre que ses rapports sur Auschwitz ont été jugés trop exagérés. C'est un manque de confiance qui doit l'accabler, surtout au regard des risques considérables qu'il a pris lui-même. Oui, il y a de quoi être amer. Mais Witold Pilecki est un soldat et un patriote. Donc, pas question de prendre ses distances. Bien au contraire, il obtient une nouvelle affectation. Il est versé dans l'une des cellules du commandement qui s'occupe de renseignements et de sabotage. Sous une nouvelle identité, Roman Jezerski, son travail va consister à couper les lignes téléphoniques allemandes, détériorer les voies ferrées, éliminer les espions et les traîtres, mais aussi venir, quand il le peut, en aide aux populations. Est-ce qu'il a renoncé à agir à Auschwitz ? Non. À l'automne 1943, il élabore un nouveau plan militaire qu'il présente à un officier de renseignement de son département. La réponse, Ce personnage lui dit de façon un peu cavalière qu'il a sous la main tous les projets élaborés par Pilecki. Ces projets que celui-ci a envoyés clandestinement à ses supérieurs alors qu'il était détenu à Auschwitz. Oui, et par conséquent, ajoute cet officier, il est certain que lorsque l'armée secrète décidera de traiter cette affaire, on fera appel à lui. Ouais, pour l'instant, ça n'est pas d'actualité. C'est donc une fin de non-recevoir. C'est le sentiment de Pilecki, qui rédige alors son dernier rapport sur Auschwitz. 20 pages dactylographiées qui résument son action et établissent le terrible bilan de la machine de mort d'Auschwitz. Mais c'est sans illusion qu'il envoie ce texte aux principaux commandements alliés. Ça veut dire que Pilecki a perdu tout espoir de réaliser son plan. Oh, sans aucun doute. En février 1944, nouvelle promotion. Il est nommé capitaine de cavalerie et reçoit aussi une autre décoration des mains du nouveau commandant en chef, Komorowski. Ça veut dire que même dans la clandestinité, cette armée fonctionne comme une armée classique. Tout à fait. Moment important dans la vie de Pilecki. Au printemps ou au début de l'été 1944, il réussit à voir sa femme et ses deux enfants, toujours réfugiés dans la belle famille. Mais très vite, il doit retourner à Varsovie où le devoir l'appelle. Et bientôt, vous le savez, les événements se précipitent, car à l'est, les troupes hitlériennes doivent reculer devant l'arrivée irrésistible de l'armée rouge. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Le volontaire, tel est le titre de la biographie de Pilecki écrite par l'universitaire italien Marco Patricelli. Il évoque son ultime rapport sur Auschwitz et cite Pilecki lui-même. « Sur la dernière page, j'ai indiqué le nom de mes camarades qui avaient livré les rapports, à qui et quand. J'ai recueilli 8 témoignages de ce genre. Tous les autres étaient soit morts, soit loin de Varsovie. Tandis que je travaillais à une mission pour le quartier général, je me suis occupé de rechercher les proches des prisonniers d'Auschwitz, vivants ou décédés. Et Patrinchelli ajoute, son contact direct à l'intérieur du camp est le capitaine Stanislav Kazuba, qui a pris la tête d'un des bataillons de la résistance. L'officier occupera ce rôle jusqu'à la libération, mais le destin ne le récompensera pas de s'être autant engagé. Quand l'armée rouge franchit la frontière polonaise d'avant 1939, les partisans de l'AKA, l'armée secrète, redoublent d'activité. Ouais, pour montrer aux autorités soviétiques qu'ils existent. Hein. Et affirmer l'autorité exclusive de leur structure. Et bien sûr, ça fait des étincelles. On voit surgir de graves malentendus entre les libérateurs venus de l'Est et les résistants polonais. C'est particulièrement évident en juin-juillet 1944, lors des batailles autour de Vilno, l'actuelle Vilnius lituanienne. Et que se passe-t-il alors? Les soviétiques vont jusqu'à arrêter tous les sous-officiers de l'AKA et 50 000 résistants polonais. Tous sont incorporés de force dans l'armée communiste de Berlin. Un officier polonais passait très tôt dans le camp soviétique et dont la plupart des cadres étaient d'ailleurs russes. Ouais, cet événement est lourd de menaces futures. Et oui, parce que ça signifie que ce qu'avait réussi Pilecki à l'intérieur du camp d'Auschwitz, c'est-à-dire l'unification des différentes tendances de la résistance, vole en éclats. Et sans empiéter sur la suite de ce récit, ça explique pourquoi, dans l'immédiat après-guerre, les résistants non communistes seront parfois accusés, à tort, d'avoir collaboré avec les Allemands. Ouais, ils seront même condamnés au terme de faux procès. Oui, une sentence écrite par avance. Ouais, ces procès dont les staliniens sont devenus des spécialistes. Hein. Un exemple qui touche Pilecki de très près quand il était encore à Auschwitz. Il a été proche d'un certain Józef Serankiewicz, un militant du Parti socialiste arrêté par la Gestapo et déporté en 1942. Cet officier a participé aux côtés de Pilecki à l'organisation militaire du camp. Mais après la guerre, pour la propagande communiste, il a été présenté comme l'âme de la résistance d'Auschwitz. Un héros vivant qui est même devenu premier ministre en 1947, tandis que Pilecki, lui, a été passé à la trappe de l'histoire, au sens propre comme au sens figuré. Mais enfin, n'allons pas trop vite. Hein. Évidemment. Bientôt, les résistants polonais vont lancer la bataille de Varsovie. Hein. En août 1944, oui. Une des pages les plus noires de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'elle va témoigner du cynisme absolu de Staline et aussi de la complicité coupable de ses alliés occidentaux. Une parenthèse, avant d'aborder ce drame où Pilecki va à nouveau s'illustrer. L'officier, juste avant le déclenchement de l'insurrection, tente une dernière fois de persuader le commandement de l'AKA de libérer Auschwitz. Et c'est un nouveau refus. Avec quels arguments cette fois-ci? Bon, on lui répond qu'on ne dispose pas des forces nécessaires pour attaquer Auschwitz. Mais surtout, et c'est atterrant, on lui demande que fera-t-on de cette masse de personnes libérées? Car il ne faut pas l'oublier, les Juifs, en particulier ceux qui appartiennent à la communauté hongroise, continuent à arriver par dizaines de milliers à Auschwitz. Ouais, où ils sont immédiatement gazés. Hein. Par conséquent, on permet à la machine de mort nazie de continuer à fonctionner. Hein. Ah, c'est la vérité. L'armée secrète porte donc une lourde responsabilité, mais aussi l'armée rouge qui campe sur les bords de la Vistule sans envisager un seul instant de tenter une percée pour libérer Auschwitz. Oui, comme elle va laisser les combattants de Varsovie se laisser massacrer par les forces nazies sans intervenir. Ben ça, c'est parfaitement exact. C'est donc le 1er août 1944 que l'armée secrète va déclencher l'insurrection. Avec l'accord des alliés? Roosevelt et Churchill l'ont été informés. Et ils n'ont pas opposé leur veto? Au contraire. Les Britanniques ont promis des bombardements aériens et même le parachutage de la brigade aéroportée polonaise basée en Grande-Bretagne. Mais à Londres, à l'intérieur même du gouvernement, il n'y a pas unanimité. En tout cas, ces promesses ne seront jamais tenues. Et pourquoi alors? Pour ne pas fâcher l'oncle Joe. Ouais, Staline. Oui, oui, le maître du Kremlin ne veut pas entendre parler de ces résistants polonais qui sont à ses yeux des réactionnaires et pourraient surtout entraver ses plans. Ouais, c'est-à-dire sa mainmise sur la Pologne. Hein. Staline n'est donc pas mécontent de les voir massacrés. Et ça ira même très loin, puisqu'il interdira aux avions britanniques d'atterrir dans la zone que l'armée rouge contrôle de l'autre côté de la Vistule. Mais vous avez dit qu'il y avait Des accords à Londres, hein, au sein même du gouvernement. Oui, oui, c'est principalement le ministère des Affaires étrangères qui traînera des pieds pour venir au secours des insurgés polonais. Et à ce propos, on ne peut pas ne pas penser aux taupes soviétiques qui étaient infiltrées. Ah, les fameux 5 de Cambridge, là ? Ah, certains, oui. Je suis persuadé que ces taupes ont tout fait pour que Londres demeure passif dans cette affaire. Alors, l'insurrection de Varsovie, pendant plus de 2 mois, les résistants polonais vont se battre contre les troupes hitlériennes, maison par maison, rue après rue. La capitale polonaise va être pratiquement détruite et on comptera plus de 150 000 morts, habitants et combattants confondus. Mmh. Et Pilecki, dans cette bataille Ah, il s'est battu comme un lion. Il a par exemple occupé pendant plusieurs jours un immeuble de la célèbre rue de Jérusalem qui lui a permis de contrôler tous les mouvements sur cette artère importante. Puis il est allé combattre ailleurs. Inlassablement. Mais face à des divisions surentraînées, soutenues par des panzers et des avions, les résistants étaient condamnés. Il faut pourtant signaler que de courageux pilotes de la RAF, la Royal Air Force britannique, souvent polonais, ont fait ce qu'ils pouvaient pour procéder à des parachutages d'armes et de ravitaillement au-dessus de Varsovie. Mmh. Les survivants du capitulé, hein. Début octobre, oui. Mais le général qui commandait les insurgés a obtenu auparavant que les Allemands respectent les conventions internationales. Donc, à la fin de la bataille, Pilecki, comme ses autres camarades, s'est rendu aux Allemands et il a été conduit dans un camp de concentration pour officiers, l'Oflag de Murnau, tandis que les troupes hitlériennes finissaient de détruire la capitale polonaise, pierre après pierre. Mmh. Pilecki demeure prisonnier jusqu'à la fin de la guerre. Oui, fin avril 1945, son camp est libéré par les Américains. Que fait-il alors ? Ben, il part en Italie rejoindre les soldats du 2e corps d'armée polonais du général Anders. C'est-à-dire, c'est l'armée du gouvernement polonais en exil, ça. Feu le gouvernement en exil. Car dès janvier 1945, sous l'aile de l'armée rouge, un gouvernement provisoire s'est installé à Varsovie. Et ni Roosevelt et ni Churchill n'ont réellement protesté contre ce coup de force. Oui, parce qu'à la conférence de Yalta, qui se tient à la même époque, le partage de l'Europe de l'Est a déjà été consacré. Mais revenons à Pilecki. En Italie, à la demande d'Anders, il commence par dicter un rapport sur les activités de l'armée secrète, telle qu'il a été amené à les connaître. Donc y compris ce qu'il a fait à Auschwitz. Bien hein, évidemment. Ouais. Et selon un de ses anciens compagnons de détention, Pilecki aurait remis son rapport dactylographié au chef du renseignement polonais du gouvernement en exil. Cependant, épisode curieux, celui-ci a classé le rapport top secret et a imposé un délai de 30 ans avant qu'il puisse être consulté. Ah oui, alors comme s'il avait contenu quelques secrets inavouables. Un peu, oui. Il est vrai qu'il relatait les efforts incessants et vains de Pilecki pour obtenir l'attaque et la libération du camp d'Auschwitz. Alors la suite. Le capitaine aspire bien sûr à revenir chez lui en Pologne. Il reçoit cette autorisation en octobre 1945. Et en décembre, il regagne son pays. Toutefois, il a gardé l'identité sous laquelle il s'est engagé dans l'armée secrète. Roman Liezarski. Pourquoi il se méfie ? Il sait que les nouveaux services de sécurité polonais, qui sont sous la coupe du NKVD soviétique, font déjà la chasse aux officiers de l'ancien régime. Ouais. Mais est-il pour autant en mission ? On peut le penser. Même si aucune preuve n'a jamais été apportée. Ses supérieurs dans l'armée d'Anders ont certainement demandé à ce spécialiste du renseignement de surveiller l'évolution de la situation politique et notamment l'intrusion des services soviétiques dans tous les rouages de l'État polonais. Rendez-vous avec X tous les samedis à 13h30 sur France Inter. Retour sur l'insurrection de Varsovie et la réaction des Alliés. Je lis ceci sous la plume de l'historien britannique, spécialiste de la Pologne, Norman Davis. De nombreux politiciens britanniques étaient irrités par des tentatives désespérées du gouvernement polonais pour éveiller davantage le sentiment d'une situation d'urgence. Le vice-premier ministre, Clement Attlee, s'était écrié « Qu'aurions-nous pu faire de plus ?» Mais la vraie colère avait été suscitée par le commandant en chef polonais après son ordre du jour du 1er septembre, le 5e anniversaire du début de la guerre, quand il a ouvertement critiqué la Grande-Bretagne pour n'avoir pas soutenu pleinement son fidèle allié et ne pas avoir remboursé sa dette. Un des ministres britanniques avait commenté cette déclaration ainsi « C'est l'Empire qui a été insulté ». Donc, si j'ai bien compris, le capitaine Pilecki devient un clandestin dans son propre pays, qui est pourtant en principe libéré. Et il utilise une couverture. Il est gérant d'un magasin de parfums dont il dessine lui-même les étiquettes des bouteilles et des flacons. Et sa famille, alors ? Sous son nom d'emprunt, il ne peut pas la rejoindre officiellement. Par conséquent, il retrouve son épouse deux fois par mois dans un petit appartement loué dans Varsovie. Mais est-ce qu'il est vraiment contraint à user de toutes ces mesures de sécurité, là ? Ah oui, la terreur règne à Varsovie. Mais est-ce qu'elle est justifiée, comment dirais-je, par des actions hostiles contre le nouveau gouvernement communiste ? Il y a eu au moins une tentative de créer un mouvement de résistance au régime. Mais ses membres ont été rapidement découverts et conduits devant un peloton d'exécution. Pilecki parvient-il à envoyer des informations de l'autre côté de ce que l'on va bientôt appeler le rideau de fer ? Oui, il aurait envoyé à Londres des rapports microfilmés sur les activités du NKVD et des nouveaux services secrets polonais, l'UB. Et aussi sur le climat de terreur qui règne dans tout le pays. Et se sent-il personnellement menacé ? Il est à peu près certain qu'il va être inquiété à plus ou moins long terme. Parce que tous les Polonais qui ont combattu dans l'armée secrète et qui n'ont pas rallié à temps les troupes communistes de Berlin sont soupçonnés d'être des traîtres. Donc tôt ou tard, il sera traqué. Et en Italie, où se trouve toujours le général Anders, on a aussi la conviction que la position de Pilecki devient de plus en plus dangereuse et que sa couverture ne lui permettra plus d'échapper au NKVD lancé sur ses traces. On envoie donc un émissaire à Varsovie, un homme chargé de le ramener à l'ouest, au plus vite. Oui, avant qu'il ne soit démasqué et arrêté. Oui, mais cette mission de sauvetage se transformera en catastrophe pour Pilecki. Expliquez. L'UB, les services secrets polonais, en auront connaissance. Oh, sans doute une trahison. Et plus tard, lors de son procès, ses juges présenteront cela comme une preuve du fait qu'il espionnait son propre pays. Mais Pilecki aurait-il pu accepter de quitter la Pologne ? Non. Même menacé, il entend rester en contact, même épisodique, avec sa famille. Et surtout, il veut continuer à résister à sa manière. Comme à Auschwitz, au fond. Et c'est une tragique coïncidence. Pourtant, il n'ignore pas qu'il prend de plus en plus de risques, comme au temps où il était traqué par les SS. En septembre 1946, il apprend que Władysław Anders et 75 généraux et officiers supérieurs sont privés de la citoyenneté polonaise. Et un peu plus tard, au mois de décembre, un fonctionnaire de l'UB, les services secrets, signe officiellement un décret établissant l'incrimination du capitaine Witold Pilecki. L'affaire semble importante, puisqu'elle est suivie en direct par un membre du cabinet du ministère de la Sûreté publique. Mais il est encore relativement protégé par son alias, non ? Mais ça ne pourra plus durer très longtemps. En mai 1947, des agents de l'UB font irruption chez Pilecki. Il est mis au secret, interdit de visite, suivent de sévères interrogatoires par les sbires de la Sûreté publique. Des tortures ? Évidemment. On lui arrache les ongles, par exemple. Et que cherche-t-on alors ? Ces tortionnaires veulent qu'il avoue être un espion, et même d'avoir fomenté des attentats contre des fonctionnaires du nouveau régime. Mais aveu ou pas, peu importe, le sort de Pilecki est déjà scellé. Et quand il n'y a ni preuve, ni aveu, on les fabrique de toutes pièces. Mais a-t-il parlé ? D'après ses interrogateurs, Pilecki n'a pas ouvert la bouche pendant les 8 premiers jours. Il a au contraire essayé de se pendre, et même de s'étouffer. Mais quand ses bourreaux ont menacé de s'en prendre à sa femme et ses enfants, il a fini par craquer et signer tous les procès-verbaux qu'on lui présentait sans même les lire. Les rares personnes qui ont pu avoir accès à sa cellule l'ont trouvé méconnaissable. Auschwitz avait été un jeu d'enfant, selon la propre expression de Pilecki, en comparaison de ce qu'il vivait là. Ouais. Va-t-il quand même avoir droit à un procès ? Oui, mais vous imaginez quel genre de procès. En attendant, en janvier 1948, un lieutenant-colonel de la sécurité publique rédige l'acte d'accusation. Pilecki et d'autres prévenus qui comparaîtront en même temps que lui sont inculpés pour détention illégale d'armes, conspiration, espionnage, préméditation d'assassinat et d'attentats visant de hauts personnages de l'État, haute trahison, utilisation de faux papiers, enfin, j'en passe. Pilecki est surtout accusé d'être un agent au service d'une puissance étrangère. Ouais. Et le procès alors, puisqu'il vient d'en avoir un, quand a-t-il lieu ? En mars 1948. Et son procès, comme tous ceux qui vont se dérouler à l'époque dans les nouvelles démocraties populaires, doit être aussi un outil de propagande. Il s'agit de persuader l'opinion publique que des forces réactionnaires extérieures souhaitent renverser la jeune République polonaise, et qu'il existe donc des espions qui sont à l'œuvre. Oui, par conséquent, Il faut donner à ce procès le maximum de publicité. Et c'est pourquoi les débats durent 12 jours. Ordre a été donné au procureur adjoint Lapinski de requérir pas moins de 3 condamnations à mort contre Pilecki. Mais ce magistrat renacle. Alors on essaie de l'amadouer. Le procès étant sous le feu des projecteurs, il faut faire peur aux conspirateurs éventuels, mais il n'y aura bien entendu aucune exécution. Et son procureur accepte le marché, oui, là ? Oui, mais c'est bien sûr une tromperie. Il requiert donc la mort, et le tribunal suit et prononce la condamnation. Et comment s'est conduit Pilecki, là, tout au long de son procès ? Il a nié, avec conviction, et affirmé avoir toujours agi en tant qu'officier de l'armée polonaise légitime. Quant aux aveux qu'il a signés, ils lui ont été extorqués par la torture et les menaces contre sa famille. Non, il n'est donc pas entendu. Et son activité à Auschwitz a-t-elle été évoquée ? Oui, et Pilecki a demandé que son ancien compagnon de captivité, devenu Premier ministre, vienne témoigner. Mais Serenkiewicz, qui, je vous l'ai dit, incarne maintenant dans l'opinion l'âme de la résistance dans le camp d'Auschwitz, refuse de venir au secours de son camarade. La peur de se compromettre ? Ou de devoir reconnaître l'importance de l'action de Pilecki, quoi qu'il en soit. Celui-ci interjette appel. Mais au début mai, la Cour suprême militaire rejette sa demande et confirme la sentence de mars. Pilecki, cédant aux pressions de son épouse, écrit encore une longue lettre réclamant le droit de clémence au président de la République, Boleslav Bierouf, et répète que tout au long de sa carrière militaire, il n'a fait que servir son pays. Mais c'est inutile. Le 25 mai 1948, il est exécuté d'une balle dans la nuque à la prison de Mokotov. Comme les officiers de Katyn 8 ans plus tôt. Oui, c'est la méthode d'élimination soviétique. Ensuite, il a été inhumé dans le plus grand secret dans la terre nue du cimetière de Varsovie. Personne n'en a jamais su l'endroit exact. Mais le sort n'en avait pas fini avec lui et sa mémoire. Pilecki, le héros d'Auschwitz, a longtemps été considéré comme un espion dans son pays. Est-ce aussi un nouvel indice du malaise des Polonais dès qu'on aborde la question de l'antisémitisme ? Peut-être. En juillet 1989, alors même que l'édifice communiste vacille en Pologne et que toute l'Europe de l'Est tremble sur ses bases, le général de brigade Kostreva s'oppose en tant que substitut du procureur de la République populaire polonaise et de procureur militaire en chef à une demande de réhabilitation de Pilecki, soulignant avec force que la cour martiale l'avait condamné pas moins de 3 fois à mort. Et il faut attendre le 1er octobre 1990 pour que le nouvel État polonais révoque sa sentence de condamnation. Pilecki a donc été réhabilité. Oui, enfin sa famille a dû attendre 41 ans. Et aujourd'hui, quand on parle de la façon dont les informations sur la machine de mort nazie ont été transmises aux Alliés, on évoque que la figure courageuse de Jan Karski. Et on oublie Witold Pilecki, l'homme qui s'est fait enfermer volontairement à Auschwitz pour témoigner. Mais n'était-ce pas là le destin d'un homme de l'ombre qui a vécu durant des années sous différents pseudonymes ? À samedi prochain sur franceinter.fr, vous pourrez communiquer avec nous et réécouter ce programme. Rebecca de Nantes a préparé cette émission qui a été réalisée par Lucien Penaud et mise en musique par de petites notes de Monsieur Djoub. Et tout de suite après le flash, un peu de verre, CO2 mon amour de Denis Chessou.